Et Mamamoun, ouais! Come on. Mais il se peut que c'est un peu moyen de faire, on lui dit plus beaucoup, hein, mon vieux. Oh, mais ouais.